Vous écoutez? La croche-oreille. Salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL 89.1, sur le poste radio et sur la toile à ckrl.qc.ca. Gaëtan Gosselin au microphone, un plaisir de vous retrouver à l'écoute. Bon, l'idéal, dit-on, pour faire une émission de radio musicale serait d'avoir sous la main ou devant les yeux un plan, on va dire que c'est le B.A.B.A., un plan construit autour de quelques idées à illustrer sur le plan sonore ou musical à partir d'albums qui traînent à la maison ou de ceux qu'on retrouve sur les plateformes de musique en ligne ou bien sur les sites perso d'artistes qui font de l'art sonore ou de la musique. On peut aussi se faire un plan d'émission à partir des nouveautés musicales qui nous sont communiquées par courriel afin de construire un narratif radiophonique qui va accompagner des plages sonores, des expérimentations musicales, de l'art pour les oreilles, comme c'est le but de l'émission « L'accroche-oreille ». Or, pour faire l'émission de ce soir, j'ai mis le plan de côté pour m'en remettre au jeu du hasard. Je suis donc parti du mot « poésie » pour mener ma recherche sur le web sans attente particulière pour trouver, par chance, le premier titre d'une création à vous faire entendre ce soir et faire le pont ensuite avec d'autres créations tout aussi contingente, advenue au fil d'écoutes aléatoires et d'enchaînements tirés vraiment du hasard. Et je commence ça avec l'enfant poète, le slameur Cédric Tremblay-Maltais, dont l'écriture derrière la dyslexie, dit-il, lui a permis de réaliser un rêve. Alors on écoute deux titres tirés d'un projet, très beau projet, intitulé « Poésie m'a écrit ». Poésie, y a juste toi qui m'as soumis dans ce monde de mépris. Poésie, si tu étais une femme, toi et moi nous aurions pu faire des mouvements de vagues dans le mi-temps du lit. Y aurait eu longtemps que j'aurais pris ta main pour lui enfiler la bague de nos fiançailles. Poésie, j'aimerais voir ton vrai visage sur lequel je pourrais coller mes lèvres assoiffées. Mais je te vois juste en image. Toi, à tous les jours, tu vois mon vrai visage. Tu me vois pleurer quand je me cache derrière le rapace. Poésie, il y a juste toi qui sais ma plus grande fragilité. Tu sais qu'à un instant, quelqu'un pourrait saccager mon petit cœur de grand sensible et le prendre pour cible. Oui, je pleure le soir quand personne n'est là pour me voir. De plus en plus, je surveille mes arrières. Je ne veux plus me retrouver par terre sans espoir. Quand je me retrouve seul, je prends le stylo pour t'écrire ces mots. Laisse mes paroles te pénétrer. Laisse mon inspiration te féconder. Je veux entrer en toi comme tu as su entrer en moi. Poésie, laisse-moi inventer un langage nouveau. Mot magique, mot tragique. Mia Shamana. Mia Shamana. Mia Shamana. Notre musique. Thank you. les poètes disparaissent, c'est la sécheresse. Le temps est devenu critique de me baptiser Cédric et de m'élancer vers toi, public. Certains rappeurs abandonnent leur logique pour une poignée de fric. C'est la sécheresse, les poètes disparaissent. Je dois briser mon silence et faire pleurer mon stylo sur une mer libre. Je veux devenir capitaine de mon navire. Poésie, tu m'as trouvé. Je suis une partie de toi. Moi, l'enfant poète, fier descendant de la société des poètes disparus. Je te salue. Mia Shamana. Mia Shamana. Mia Shamana. Notre musique d'amour. En moi, il y a beaucoup de questions. Je vois la vie avec un gros point d'interrogation. Simples sont les pourquoi, complexes sont les réponses, les raisons et les actions. La vie en soi est une encyclopédie de pages blanches. Les règles du comment y vivre s'y retrouvent, elles remplissent les bibliothèques d'histoire et d'encre. C'est apeurant, c'est éblouissant. On dit qu'on est maître de notre histoire. Ça reste à voir. J'espère, pour ma part, passer de vieillesse à jeunesse. Être seul avec mon subconscient. Apprendre à me connaître, agir avec sagesse. Chevalier en quête spirituelle, je prépare mon évasion. Je cherche la guérison au centre d'un cercle de feu de chandelle. Je passe mes journées avec moi-même à jouer à cache-cache. J'ai la pression de ne pas être à ma place. Autour de moi, des personnes croient mieux me connaître que moi-même, alors elles prennent des décisions à ma place. Faut-il que je m'y oppose, casse dans leurs intérêts? Faut-il que je prenne mon mal à patience en restant muet? Ça n'a jamais choqué personne, car j'ai toujours fait. En vieillissant, on dit que j'ai droit à mes émotions, sentiments. Pourquoi les vivre si c'est pour rendre mon entourage inquiet? Désormais, je garderai ma vie, ses secrets. Ici, on me demande comment je vais. Je répondrai que tout va bien. Et le soir, j'irai me coller à une montagne d'oreiller. En me consolant, je rêverai d'amour. À mon réveil, toi, mon épouse de qui j'ai tant rêvé, tu disparaîtras. Cauchemar, la nuit m'a joué un mauvais tour. J'ai mal au cœur. À moi, c'est la sécheresse. À force de tout garder, j'arrive plus à pleurer. Sans eau, c'est impossible de faire germer la fleur. Le vent souffle sous les bourrages sauvages. La tige perd un pétale qui voyage vers le large. Sans savoir atterrir, fleurir, s'épanouir, j'ai besoin de souffler mon surplus d'air. Me faire léger jusqu'à me mettre à voler dans l'atmosphère. Parcourir les déserts, sonder le plein air. L'oiseau est prêt à quitter le nid. Il gazouillera toute l'énergie qu'il a dû garder en lui. Il veut faire ses expériences de vie. Et peut-être un jour, à son tour, il va bâtir ce que lui-même au passé a dû fuir. Température de pluie. Le soleil s'élève d'un prétend mélancolie. Le ciel donnera naissance à un petit arc-en-ciel. C'était Cédric Tremblay-Maltais. Il y a de si beaux hasards et de si beaux chaos qu'on finit par comprendre que des artistes lui fassent confiance. Mallarmé, les Dada, Marcel Duchamp, John Cage. Bon, plus près de nous, Serge Garand, Johan Hitu, Léo Smith, Léa Boudreau et tant d'autres. Je vous fais entendre un magnifique projet, cette fois, de Cédric Dain-Lavoie. C'est un projet qui combine des voix d'un autre siècle au rythme des musiques d'aujourd'hui. Le travail de Cédric est magique, comme dit Claude Brindamour, un commentateur sur les réseaux sociaux. On ressort, dit-il, de cette écoute avec un sentiment de flottement et une émotion prenante, indéfinissable. Je ferme les guillemets, je suis tout à fait d'accord avec Brindamour, un travail indéfinissable, vous allez voir, un projet porté par le label Lanaudois Corne de Brume, un label dédié aux musiques de création, très beau label. Alors on écoute des extraits d'un projet des archives, Cédric Dain-Lavoie, un reel à bouche. The Belle et bénie, belle et bénie, belle dormez-vous. Bon, à partir de ce dernier titre de Cédric Dinlavoie, « Tenant mon frère », ça c'est le titre, il en faut de peu pour faire un lien avec une autre inspiration filiale, l'hommage d'une fille à son père. Ça, c'est le projet musical et sonore de Rachel Therrien, musicienne et compositrice qui pose un regard radieux sur l'œuvre de son grand-père, Charles Lebel Therrien, poète habitant et célébrant les territoires nord-côtiers. Côte-Nord, son idole, s'asseoir sur un rocher dans le grand vent du large, regarder la mer et ses mille soleils. C'est ce qu'on va entendre à l'instant depuis les brumes mainganiennes. Alors, pour vous donner aussi le goût d'y aller, peut-être faire un tour cet été. Alors, on écoute Rachel Therrien, un titre « Idolâtrie ». Un moment donné, j'étais assis sur une roche à, je ne me souviens plus quel village en bas de la côte, dans le temps, ces voyages de prospection. Là. Puis il dit, je me sentais dans le même état que quand j'ai pris du LSD. Il avait vraiment comme une capacité d'absorption de l'environnement qui était hors du commun. Là. Il sentait les choses, t'sais. Naturellement. Là. Fait que ça explique bien des affaires. Comme idolâtrie. S'asseoir sur un rocher dans le grand vent du large. Regardez la mer et ses mille soleils. Offrir son corps jeune aux rayons sans pareil. Flèche d'or des franges de Denis. Se perdre corps et âme en cette immensité. (Musique) Purifier sa vie aux caresses des vers. Ou à nappe de la mer qui se pare de bas. Voir à cette vie un soleil démesuré. Bon hasard ou pas, il me semble que c'était naturel qu'on enchaîne les poèmes sonores de Rachel Therrien pour son père aux poésies tout court de Vincent Duhamel, dit le Chong, ou peut-être, ou plutôt le Chong, dit Vincent Duhamel, ou peut-être autre chose, on verra ça à la fin de l'histoire, dit-il. J'écris depuis 25 ans, je vis l'écriture comme le Bushido, ou du moins comme une expérience de progression plus ou moins spirituelle, dit-il. J'aimerais qu'une rivière m'attende quelque part. Alors voilà, et ce qu'il raconte dans son travail, c'est vraiment très, très beau. Alors on écoute ça. Cesserions-nous d'être seuls, si la nuit, belle, ténébreuse, ne cessait de nous revenir? Que ferions-nous de ces mots qui ne résonnent ta présence tant qu'à l'abri, vide silence, lorsqu'il n'existe plus personne, ni pour les dire, ni pour les faire? Que ferions-nous de ces promesses, psalmodiées au chantant soleil, dans ces espérances à demain? Nappés du présage regret, nos indélicates faiblesses. Que ferions-nous de ces visages, subtile tristesse épanouie, si la tombée des heures sombres ne dissimulait les larmes de nos beaux sourires vaincus? Cesserions-nous d'être seuls, si la nuit, belle ténébreuse, ne cessait de nous revenir? sucre d'orge et pommes d'amour. Super-héros et balançoires, bandes dessinées et déguisements, rondins de bois et figurines, tourniquets, auto-tamponneuses et Huckleberry Finn. Et Huckleberry Finn. Tarte aux pommes, frère de sang, craché, juré, fête foraine, ami pour la vie, prince charmant, E plus V égale amour, fraise, câline, chantilly, bicyclette à la folie, et Huckleberry Finn, et Huckleberry Finn. Gaufre au sucre, cheveux au vent, courir, courir, courir après les oiseaux, pirates, explorateurs, Robin des Bois, course de bateaux, roulement à billes, des rêves par-delà la tête, entre les doigts, et Huckleberry Finn, et Huckleberry Finn. Eh bien, voilà ce qui complète la première demi. Restez des nôtres. Je vous reviens après la suite de cette émission toute élaborée, toute construite de beaux hasards musicaux sonores. À tout de suite. Never let me lie quand je te dis que pour ton plaisir est le silence. L'histoire naît toujours entre un rire et de larmes. Le temps d'une impatience. Sous tes lèvres, expire mes derniers mots. Aucun oiseau ne chante. Depuis, ma vie semble se vivre quelque part entre toi et moi, à l'intérieur d'un nœud brouillard. Oh, ni les montagnes immortelles, ni les fleuves languides ne prennent forme. Et des ombres carrières sous lesquelles je m'ensevelis. Oh, tiens-toi bien, mon âme. Children of the future age, reading this indignant page, know that in a former time, love, sweet love, was thought a crime. Où vas-tu, petit homme, sous le ciel au regard de sépulcre bleuté? Les horizons sont immobiles dans la tourmente des bûchers où dansent les dames. Vous écoutez CKRL Radio. Vous écoutez La Croche-Oreille. On est de retour, vous écoutez La Croche-Oreille. Je vous propose ce soir un programme de sonorités bâti au hasard à partir d'un seul mot, le mot poésie. Donc, des poésies sonores issues du hasard et du hasard sonore issu d'une radiophonie imprévisible, on va dire ça comme ça. La première demi nous a servi de la poésie environnée de musique, une des mille manières d'imaginer la poésie sonore à l'horizon de la culture dite populaire, à la différence d'une autre poésie sonore issue des arts performatifs et vocaux, celle qu'on entend depuis le cabaret Voltaire d'Hugo Ball, début 20e siècle, et les Dadas, jusqu'à son apogée électro-technique avec l'invention du magnétophone. J'aime bien cette remarque de Simon Dumas, que j'ai déjà cité d'ailleurs, je le salue en passant, Simon Dumas, l'animateur du collectif d'art littéraire Rhizome, quand il évoque la révolution magnétique de 1958, l'année où, sans le savoir ni se consulter, Henri Chopin, François Dufresne, Brian Gysin et Bernard Hetzek créer la poésie sonore à l'aide du magnétophone. Outre leur inventivité respective, on peut attribuer la trouvaille, en partie du moins, à la disponibilité sur le marché de cette nouvelle machine, le magnétophone, lequel va permettre, comme jamais auparavant, d'échantillonner, de mettre en boucle leur propre voix, de la diffuser en différé ou bien en direct. Et tout ça me fait penser au chant de naufrage de Laurent Ferron avec ses boucles électroniques, sons de synthé et voix féminine d'autres temps. Alors on écoute ça, Laurent Ferron, dérive stéthacoustique. Passionnément. Passionnément. Passionnément. Passionnément. Passionnément. Passionnément. Passionnément. Passionnément. Passionnément. Passionnément. Passionnément. Passionnément. Passionnément. Passionnément. Martin Bacrot, c'est un poète, musicien, performeur. Il explore les frontières entre le son, le sens, la musique, la poésie. la transe et la psychiatrie. Il crée directement tout ce matériel vocal à partir, dit-on, de bidouillage électronique. Dès le premier souffle créatif, dit-il, je prononce des phrases, des mots, des syllabes et encore de plus en plus de sons et de bruits dans le but de proposer de nouvelles relations entre réel et imaginaire, entre les mots et les choses. Bon, ça nous rappelle Michel Foucault. Entre les sons et les sens. Le projet s'appelle Proto-verbes, les verbes premiers, en d'autres termes, ça nous rappelle ça aussi qu'au commencement, il y avait les nombres et les verbes premiers. On écoute Martin Bacrot. Depuis le manifeste futuriste de Rousselot, L'art des bruits, 1913, ça fait un bail. Le parcours de la poésie sonore est riche, complexe et historiquement confus. C'est ce que prétendent les animateurs du label Erratum Musical qui nous propose des croisements, des glissements, des interzones et d'autres interstices poétiques. Indicible alliage ouvert et sensible de différentes vibrations vocales, bruitistes et électroniques. Ça promet, il faut s'y attendre avec Erratum Musical, le label. Alors, on écoute cette fois des créations de Jacques Demarc, Charles Penquin, Gilles Quetta, Raoul Beckmann et Arnaud Fabre dans un enchaînement merveilleux. Om Stren, Reng Shen, Kui Wa Luo. Un cui choua wa du lao, le wang wei. C'est le signe. Ye ching, chung shang kong. En chinois, ching signifie paisible. Montagne vide au printemps. Ye, c'est la nuit. une touche à m'couille. L'une se montre. Tu es chou, qu'elle dit. Yue chou, ching, shan, niao. Niao vole dire oiseau. Tsing soigne nieso. Tellement qu'il a peur. Screaming, chi, ming, chung, cheng, chung. School, déchaîne, yung, cascade vive au printemps. Oh, rime ses lettres E, B, T. Oh, N et j'aime. Langue qui stalke. Peu, hop, et oka, oka, oka, oka, o. Langue qui stalke. Pi, hip, stupra, stupra, stupra, stupra. Langue qui stalke. Rample, ranfle. Langue qui stalke. Zou, lim, trai, lymphe, truffe, l'œil. Langue qui stalke. Trouble, pipo. Zizou, bagou. Petit bout, la rouge, zaoum, qui brouille, zaou, aho. Langue qui storque, hop, et stupra, stupra, stupra, stupra, angs, qui mord, creux. Foule d'oiseaux, tchung, niao, kao, fe, ching, là-haut, frêle, fil, le lipo. Couille, une, yun, nichifi, cumulus. Puisque nouage, pluie, égale coït. Kou yun, tu chu sing. Tout chut, flemme, attend se contempler. Jambe, can, xiang, can, liang, pou yan. Langue, pousse, lian. Liang, c'est lier langue à deux, donc. Si o siu, chichit, femme. Chi yo, ching, ting, shan. Ching, ting, qui trinque digne en un mot révérencieux. Chuin soul charme. T'es malade d'amour, t'es malade d'amour, t'es malade d'amour. Qu'est-ce que tu fais dans la vie à part être malade? Tu fais rien, tu souris bêtement à la vie. Pourquoi tu souris bêtement à la vie? Parce que t'es malade d'amour, t'es malade d'amour. Et tu souris bêtement à la vie, tu penses à rien, c'est une bonne maladie, ça dit donc bah oui. Bon, hein, c'est que je suis bien malade, hein, en ce moment je suis malade d'amour, hein, je suis bien malade d'amour, en ce moment je suis pas qu'un cérébral, hein, parce que les cérébrales, eux, ils sont pas entiers, tandis que moi je suis entier, les cérébrales, eux, ils sont pas malades d'amour, hein, les cérébrales, ils sont pas entiers comme moi, hein, ils sont pas malades d'amour comme moi, moi si j'étais eux, je serais pas que cérébral, hein, car je fais tout marcher, je fais marcher les muscles, comme j'ai la maladie, les muscles, ils réagissent aussi, comme je suis malade d'amour, hein, je suis malade d'amour, et le cerveau, il est pas tout seul à travailler, c'est tout qui travaille. Eux les cérébrales ils ont que le cerveau hein, mais tu peux pas être uniquement cérébral si t'es malade d'amour hein, parce que t'as la bite aussi, y'a pas que le cérébral qui tourne dans la bite, c'est la bite aussi. Quand t'es malade d'amour hein, y'a pas que le cerveau dans la bite, quand t'es malade d'amour hein, quand t'es malade d'amour c'est tout là-dedans que t'es, c'est dans la bite aussi que ça tourne. Quand t'es malade d'amour t'as pas que le cerveau, ou alors t'as la bite dedans et elle tourne, elle est tout dans ton cerveau hein, et le cerveau il tourne aussi, le cerveau il est tout ma boule, le cerveau parce que t'es dans la bite. Et c'est la bite qui pense et c'est bien dans la bite qui devient cérébral quand t'es malade d'amour, t'es cérébral de la bite quand t'es malade d'amour, hein, t'es malade d'amour, hein, t'es malade d'amour, t'es malade d'amour, hein, t'es malade d'amour, t'es malade d'amour, hein, t'es malade d'amour, hein, t'es malade d'amour, t'es malade d'amour, hein, t'es malade d'amour, hein, t'es malade, t'es malade d'amour. Pointe Harry, je te bois, je te vide, je te bois, je te bois, je te bois, je te vide, je te lèche encore, je te branle, je te serre, je t'arrose, je te chatouille, je te mords, je te mouille, je t'attache, je te lèche, je te bisouille, je t'embrasse, bouge, je te caresse, je te bisouille, je te lèche, je te saisis, je t'attache, je te suspends, je te mouille, je te mouille, je te suspends, je t'attache, je te suspends, je te mouille, je te suspends, je te bisouille, je te caresse, je t'embrasse, je te bisouille, je te lèche, je te saisis, je t'attache, je te suspends, je te mouille, je te mords, je te chatouille, je t'arrose, je t'urine, je te branle, je te griffe, je te suce, je te suce, je te suce, je te prends, je te prends, je te prends, je te baise, je te sens, je te vide, je t'avale, je te câline, je t'accompagne, je te câline, pointeur et je te rassure. Expiration, je t'aime. Eh bien, à la suite de toutes ces sonorités de hasard, ben ça m'amène bizarrement là où je voulais commencer en évoquant le mot poésie il y a à peine une heure, à cet endroit où on peut lire qu'écrire fait du bruit et penser en lisant ça à l'artiste Pierre-André Arcan, artiste multidisciplinaire et poète qui a planté, dit-on, ses racines dans le monde de l'écriture en poésie visuelle, poésie sonore et performance, installation ludique et livres-objets pour ceux qui l'ont côtoyé, un travail remarquable. Il invente, Pierre-André, le logiciel Machina Ricordi et incarne de sa voix de multiples personnages. Pierre-André Arcan nous a quittés il y a quelques mois et son héritage artistique, sonore, poétique est fabuleux. Alors on écoute un extrait d'une pièce intitulée « Idiot Vox ». Yeah. Eh bien, voilà ce qui complète l'émission pour ce soir. Grand merci aux artistes, créateurs sonores, artisans et essayistes, poètes, de nous avoir permis l'écoute de leurs œuvres écrites et sonores, des œuvres réunies par l'heureux hasard de leur filiation avec le mot « poésie ». Salutations aux animateurs du label québécois Corne de Brume, label dédié aux musiques de création. Vous trouverez ça sur la toile, notamment sur la plateforme Bandcamp. Comme à l'habitude, vous trouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site Lacroche-Oreille. Vous trouverez ça facilement sur la toile. Eh bien, restez des nôtres, c'est Rock Medium avec Mathieu Johnson qui s'amène dès 22h. Et pour clore l'émission, on écoute un enchaînement de créations de l'artiste visuelle et poétesse sonore Hélène Matt, que je salue en passant. C'est tiré de son projet autobiographique intitulé « Les supports fragiles ». Alors voilà, quant à moi, je suis de retour la semaine prochaine, 21h, sur les ondes de CKRL 89.1 pour une autre aventure sonore. Au microphone, c'est Gaëtan Gosselin qui vous salue. Des supports fragiles, paniers de fruits flétris, livres ouverts sur la poussière, l'argenterie ne brille pour personne, épinglé, un papillon mort s'émiette, empaillé. L'animal que l'on regrette, des errances décorées, une médaille à l'uniforme, assassinée comme le veut le décorum, s'abîmer. Comme un écorché de plâtre, vanité, sur le papier l'encre pâle, délaissé, sur le bord de la chaussée, l'ordinateur obsolète, comme un téléphone. Des errances, des supports fragiles. Il était beau son regard coquin et fier, quand elle a déposé sur ses épaules son nouveau foulard en mohair rose, que j'avais trouvé à la friperie. Froid devant. La mort est un plat qui nous mange froid.